Ndikomanyanga. Rukwimana de l'autre côté de la vitrine, bienvenue chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro à ce journal dont voici d'abord le sommaire. La pauvreté des ménages bloque certains Burundais dans l'accès aux médicaments et services de santé dans le contexte actuel où les produits relatifs deviennent de plus en plus chers. Réaction du président de l'association burundaise pour la défense des droits des malades, ABDDM en sigle. Les habitants de la colline Gatunguru, de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura font face à un manque criant de l'eau potable d'il y a environ 4 mois et lancent un cri d'alarme à la régie des eaux. La province scolaire de Bubanza manque plus de 700 enseignants dans les écoles tant fondamentales que post-fondamentales. Comme le soulignent les éducateurs, les parents s'inquiètent et demandent à l'État de recruter des enseignants pour en finir avec les enseignants bénévoles et vacataires. Et dans la chronique sportive, Achelle Niongere, managère de l'équipe nationale burundaise, nous parlera des critères de base pour convoquer les joueurs des sélections nationales de football. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le ministère de la fonction publique annonce qu'il soutiendra les états généraux du 23-25 octobre en Ngozi. Lors d'un point de presse ce lundi, Veniste Muyabaga, en charge de son ministère, indique que c'est dans l'optique d'analyser la situation actuelle de l'administration publique. Selon lui, les défis rencontrés lors de la mise en place du programme national de réforme de l'administration, c'est notamment la capacité insuffisante dans la délivrance des services. Le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, vous devez porter à la connaissance du public l'état d'avancement des préparatifs des états généraux de l'administration publique au Burundi. Le gouvernement du Burundi a entamé depuis 2011 des réflexions sur le renforcement des capacités de l'administration publique pour être à même de piloter la vision de développement du pays à moyen et à long terme. C'est ainsi qu'un diagnostic profond a dès lors été réalisé, ce qui a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements. À la suite de ce diagnostic, un programme national de réforme de l'administration publique a été adopté et visé à réaliser 37 actions regroupées en 4 axes stratégiques. Restaurer la capacité de la direction et de conception du gouvernement burundais. Restaurer les principes de gestion des agents publics autour des valeurs d'équité, de transparence et de performance. Mettre les performances de l'administration publique au service des citoyens. Créer des conditions favorables pour le développement des TIC dans l'administration et le développement des capacités. L'évaluation de la mise en œuvre de ce programme national de réforme de l'administration publique, initié en 2011, présente aujourd'hui un taux moyen de 35% comme réalisation des axes stratégiques définis dans le PNLA. C'est dans cette optique que le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, a jugé urgent d'organiser des états généraux de l'administration publique burundaise qui se veulent plus inclusifs et plus adaptés au contexte du monde actuel et aux priorités nationales. Au cours de ces assises, toutes les questions qui concernent l'amélioration et l'efficacité de la performance de l'administration publique seront évoquées et seront analysées par toutes les parties prenantes en vue de proposer des pistes de solutions pour sa transformation en une administration de développement et de services appropriés de proximité. Page coopération à présent et montant de plus de 550 millions de dollars américains ont été investis par les Pays-Bas les 20 dernières années afin de contribuer au bien-être, à la prospérité et à l'autonomisation des Burundais. Et une somme de 135 millions d'euros se trouve dans un programme bilatéral et pluriannuel de 2023 à 2026 des Pays-Bas, annoncé fêté par l'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi ce lundi en marge de la célébration du 60e anniversaire de relations diplomatiques et bilatérales entre les Pays-Bas et le Burundi de 1964 à 2024. C'était une occasion de la journée portes ouvertes pour montrer les activités de coopération au développement soutenues par les Pays-Bas au Burundi. Nous devons cette information à Jean-Marie Mayonk. Cette journée portes ouvertes organisée par l'ambassade du Royaume et des Pays-Bas au Burundi avait pour objectif de mettre en lumière l'ensemble des activités de coopération au développement soutenues par les Pays-Bas. Cet événement a marqué également la célébration du 60e anniversaire de relations diplomatiques et bilatérales entre les Pays-Bas et le Burundi de 1964 à 2024. Certaines organisations appuyées par les Pays-Bas dans leurs activités de développement précisent que c'est une bonne occasion de faire connaître aux Burundais leurs activités. En tant que plateforme qui travaille pour la génération des connaissances, nous exprimons notre gratitude à l'ambassade des Pays-Bas pour son appui. Nous apprécions cet appui des Pays-Bas parce que ça nous permet en tant qu'organisation locale de collaborer avec d'autres organisations à base communautaire. Cette collaboration justement s'inscrit par exemple dans la constitution de ce que nous appelons les communautés de pratique. Ce sont des groupements, des organisations qui travaillent sur des thématiques précises. Nous essayons justement de développer différentes connaissances, de faire du renforcement de capacités de ces organisations, mais également de collaborer ensemble afin de générer des évidences qui vont nous aider dans ce plaidoyer que nous faisons auprès des décideurs. C'est très important aujourd'hui que toutes ces organisations qui œuvrent pour la société burundaise, pour cet objectif de œuvrer pour la paix, la cohésion sociale et pour que le citoyen burundais puisse vivre dans la paix, en sécurité et en bonne santé, que nous nous rencontrons tous, de voir comment est-ce qu'on pourra collaborer. Le chargé de la coopération à l'ambassade des Pays-Bas au Burundi a indiqué que les Pays-Bas a déjà investi plus de 550 millions de dollars dans des activités de développement dans divers secteurs. En termes de coopération au développement, le partenariat entre les Pays-Bas et le Burundi s'est intensifié il y a environ 20 ans. Depuis lors, nous avons investi presque 500 millions d'euros dans des activités de coopération au développement au Burundi dans divers secteurs. Nous nous concentrons sur des domaines thématiques spécifiques où les connaissances et l'expertise néerlandaise apportent une valeur ajoutée et se renforcent mutuellement. Ils sont également basés sur notre analyse des défis auxquels le Burundi est confronté. Bien entendu, nos efforts s'inscrivent dans la vision du gouvernement, dans le plan national de développement du Burundi et tout en contribuant aux objectifs de développement durable. Les activités financées par les Pays-Bas au Burundi sont axées sur quatre domaines: la sécurité alimentaire et la nutrition, la santé sexuelle et reproductive et les droits y relatifs, le renforcement de l'état de droit et les droits humains et enfin la jeunesse, l'emploi et l'entrepreneuriat. Page santé à présent, la pauvreté des ménages bloque certains Burundais dans l'accès aux médicaments et services de santé dans le contexte actuel où les produits relatifs deviennent de plus en plus chers. Réaction du président de l'Association burundaise pour la défense des droits des malades après une étude de la plateforme des acteurs des mutuelles de santé au Burundi, PAMUSAB en sigle, qui a révélé que les prix des médicaments de première nécessité ont grimpé jusqu'à 32% depuis l'an 2023. Pierre Nindereye appelle les services de l'État en charge des médicaments de veiller à ce que les prix soient abordables pour tous les citoyens. On l'écoute. Le droit des patients exige à ce qu'il y ait accès aux soins et aux services de santé de qualité, mais aussi avec efficience. Parmi les droits des patients, il faut que le patient ait des médicaments qui sont trouvables sur le marché, aussi avec un prix très efficient. En tout cas, les produits ne sont pas disponibles, donc ils souffrent énormément. Autre chose, c'est que au niveau de l'économie familiale, ça touche l'économie familiale aussi. Pour avoir de médicaments, il doit vendre une parcelle ou une partie de son chat. Alors, vous entendez que après, il doit souffrir économiquement. L'étude nous ont montré aussi qu'il y a des spéculations selon les formations sanitaires. Nous remercions beaucoup le gouvernement du Burundi qui vient récemment de faire une descente dans les structures de soins pour voir si réellement la qualité de soins et de services de santé sont, qui offertes sont de bonne qualité. Nous recommandons que le gouvernement aussi fasse le même travail pour les prix des produits pharmaceutiques, donc les médicaments et les services de soins offerts dans les formations sanitaires, donc afin de réguler ces prix-là. Une fois que le gouvernement a régulé les prix de ces médicaments-là, quand il y a un tricheur, il faut que ce tricheur soit sanctionné très sérieusement. Parlons éducation, la province scolaire de Bubanza manque plus de 700 enseignants dans les écoles tant fondamentales que post-fondamentales, comme le soulignent les éducateurs. Les parents s'inquiètent et demandent à l'État de recruter des enseignants pour en finir avec les frais des enseignants bénévoles et vacataires. À la direction provinciale de l'enseignement à Bubanza, l'on explique que le problème des vacataires bénévoles sera progressivement résolu au fur et à mesure que les enseignants seront recrutés. Les détails avec Space Caritas Carmagnan. Dans les différentes écoles fondamentales et post-fondamentales de cette province, il manque 718 enseignants de niveau différent selon les responsables scolaires contactés. Les parents sont mécontents et se demandent quand ils vont cesser de donner les frais des enseignants vacataires et des enseignants bénévoles à qui les différentes directions scolaires donnent des primes d'encouragement. À l'école fondamentale Mahoro, par exemple, en commune Gihanga, chaque élève doit donner 6200 francs, 2200 francs pour les frais des bénévoles et 4000 francs pour la construction du bureau du directeur selon les parents contactés qui demandent à l'État de résoudre ce problème. À la direction provinciale de l'enseignement à Bubanza, tout comme les autres directeurs des différents établissements scolaires contactés, on explique que ce problème sera résolu au fur et à mesure que l'État sera en mesure de recruter les enseignants. Certains habitants du quartier Gatunguru, zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi, disent qu'ils viennent de passer 4 mois sans avoir accès à l'eau potable. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro expliquent qu'il est difficile de lutter contre les maladies dites de mains sales dans ces conditions. Un des élus culinaires de cette localité demande aux autorités habilitées de résoudre ce problème de manque d'eau. Une information que nous devons à notre consoeur Nadege Ininahazwe, stagiaire à la radio Isanganiro. Lorsqu'on arrive au quartier Gatunguru, on remarque des mouvements de gens qui vont puiser de l'eau. Les habitants de ce quartier, faut savoir qu'ils sont obligés d'acheter cette ressource à un prix variant entre 100 et 1000 francs le bidon de 20 litres selon la provenance. Certains habitants de ce quartier indiquent se rabattre sur les eaux de puits creusés dans leur parcelle, mais déplorent qu'il s'agit de l'eau non potable. En outre, des voitures, des vélos, une foule de gens, de même que les travailleurs des structures sanitaires de la localité, font la queue autour du tank d'eau installé à la recherche de cette denrée. Un des élus culinaires de cette localité confirme ces informations, de même que la population, et demande aux autorités habilitées de résoudre ce problème. Le premier ministre a récemment ordonné aux services en charge de la distribution d'eau potable à rendre disponible cette ressource pour faciliter la prévention contre la variole du singe. Radio Isanganiro, chronique sport. Les joueurs de l'équipe nationale de football sont convoqués par le sélectionneur de l'équipe nationale en se basant sur les performances qu'ils affichent dans leurs clubs respectifs pour choisir l'équipe de base qui commence le match. Achel Niongere, manager de l'équipe nationale burundaise Ntamba Murugamba, fait savoir que le coach se base sur les tactiques du jeu et qu'il compte utiliser dans son match. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ngendakuma. Le sélectionneur de l'équipe nationale convoque les joueurs qui peuvent afficher de bons résultats en une rencontre et cela se fait selon les tactiques que le coach compte utiliser. Explication d'Achel Niongere, manager de l'équipe nationale de football. Les critères exigés pour sélectionner les joueurs de l'équipe nationale, ça dépend de leur performance dans leurs équipes respectives. Donc le sélectionneur a droit de choisir selon ses tactiques les joueurs qu'ils voient qu'ils peuvent lui donner un bon résultat. Donc ça dépend des performances individuelles dans leurs équipes. Ces tactiques sont considérées comme éléments essentiels pour confectionner une liste de base de 11 joueurs qui commencent le match. Une liste de base est choisie selon les tactiques du sélectionneur. Donc, il a droit de choisir un joueur qu'il voit qu'il va lui donner succès vis-à-vis de son tactique. Même s'il convoque 23 joueurs, c'est 11 qui commencent. Donc, il choisit celui qu'il voit qui mérite la place avec les tactiques qu'il veut. Le manager de l'équipe nationale fait savoir que les joueurs qui évoluent dans l'équipe nationale ont plus de chances d'être recrutés par les meilleures équipes. Les avantages des joueurs qui évoluent dans la sélection nationale, ça dépend de leur performance. Ça devient des profits parce que lors des mercato, il y a des agents ou des managers qui ont besoin de joueurs qui évoluent dans les sélections nationales pour qu'ils soient transférés dans d'autres équipes. C'est ça le grand profit. Et puis, c'est représenter une nation, c'est un honneur pour un joueur. Donc, si les sélectionneurs, c'est-à-dire que sa performance est plus douée, plus bonne, donc il se voit que il mérite, il est meilleur. Donc, c'est ça l'avantage de jouer en équipe nationale. La raison qui fait que tels joueurs sont sélectionnés et d'autres pas dépend du choix de l'entraîneur, c'est toujours Achel Niongere. La raison qui fait que tel match le joueur est sélectionné, l'autre match n'est pas sélectionné, ça dépend du choix de l'entraîneur. Donc, et ça dépend des matchs. Donc, il peut voir que à ce match, le gars qu'il a appelé n'a pas donné ce que le sélectionneur a besoin. Donc, à la prochaine occasion, ça sera difficile de l'appeler parce qu'il n'a pas donné ce que le sélectionneur a besoin. Convoqué dans l'équipe nationale, les joueurs qui évoluent dans le championnat national de football, Primus League, s'inscrit dans une vision de sélectionneur de promouvoir les joueurs locaux. Le fait de convoquer beaucoup de joueurs du Primus League, des joueurs locaux, c'est un avantage. On ne peut pas bâtir une équipe nationale à son bazar seulement de joueurs de l'étranger alors qu'à national il y a le championnat. Donc il faut favoriser ces joueurs qui jouent en national pour leur promouvoir et leur donner cette opportunité de participer à l'équipe nationale. L'équipe de football du Burundi a été créée en 1971 par la Fédération Burundaise de football FFB. Le premier match des Hirondelles du Burundi a eu lieu en 1974 contre la Somalie et son match s'est soldé par un score de 2-0 en faveur du Burundi. L'équipe nationale de football n'a jamais été qualifiée pour la Coupe du Monde, mais s'est dernièrement qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations lors des compétitions qui se sont déroulées en Égypte en 2019. Voilà, c'est sur cette chronique que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganiso.